Il y a quelques temps, sur une idée de la marraine de ma sœur, on avait pris une caméra vidéo avec mon petit frère et ma petite sœur, et on avait été interviewer mes grands-parents. On a passé une heure à les écouter et à enregistrer. Après une heure, on était à peine arrivé à leur adolescence. Et c'était passionnant. Enfin, moi, j'adore ça. J'adore écouter leurs histoires. Et j'adore écouter les histoires des gens en général. Donc voilà. La vidéo, c'est un peu compliqué, c'est difficile à distribuer, ça prend du temps à monter. Donc j'ai trouvé un micro, et je recommence. Pour commencer, j'ai été voir ma grand-mère, et lui demander de me raconter des choses. Et elle a un nombre de choses impressionnantes à raconter. Elle me reparle de gens qui ont vécu au 19e siècle, et dont elle se souvient des histoires, ça n'a rien à voir avec lire la même chose dans un livre, c'est vraiment quelqu'un qui les raconte. Je me suis dit que si moi je trouve ça passionnant, il y a des chances que d'autres gens soient intéressés. Donc voilà, je vais essayer de mettre sur mon site des petits extraits de ce qui s'est raconté. Si vous voulez suivre ce qui se passe, allez sur tranchedevie.ledcom.ch, tranche de vie avec un S à tranche. ledcom.ch et vous allez voir, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer, vous rentrez votre adresse email et vous recevrez chaque fois qu'il se passe quelque chose de nouveau un petit email pour vous avertir. Pour commencer, j'ai un petit extrait où ma grand-mère nous parle de Jacques Copeau. Il y a dans le temps, il y a un critique de théâtre qui s'intitule « Molière fouette, quel bonheur !» Et il parle d'une pièce de théâtre qui est à Genève, et qui, la pièce de théâtre, c'est du Molière, et c'est le médecin malgré lui. Et puis, ça m'a rappelé ce dont je t'avais peut-être une fois parlé, le médecin malgré lui, où est-ce qu'il est celui-là? Et alors j'ai 325. Et j'ai tout à coup, ça m'a fait penser à, je t'avais dit que j'avais connu que j'avais beaucoup aimé un metteur en scène qui s'appelait Jacques Copeau, qui a été un des tout premiers, qui était un des, ou peut-être le premier qui a créé une troupe de théâtre non subsidiée, une troupe de théâtre privée et pas publique comme il y avait en France, la Comédie Française entre autres. Et ils en ont reparlé l'autre jour, il y a 3-4 jours à la radio, en le citant, en disant que tu avais été un des pionniers, et ça je m'en souvenais. Et puis, ici je vois la pièce de théâtre sur donc, le médecin malgré lui, et en 33 ou 39, je suis incapable de te dire, il m'a signé ça. Pour la gentille petite Jacqueline, souvenir de ton vieil ami, où il y a une signature qui est illisible, qui a été le médecin malgré lui, Neuchâtel, 19-1-33. Je crois que c'est 33. Je serais incapable de le lire, en tout cas. Oui, mais je pense que c'est 33. Et donc, c'est Jacques Copeau. C'est le fameux metteur en scène qui a été très connu. Alors, ça m'a amusé parce que, je retrouve ça. Il y a cette pièce de théâtre et tout à coup, ça m'a refait penser à cette signature. Et je me suis dit, tiens, il y a Guillaume qui vient, ben, je vais lui raconter ça. Voilà. C'est des gens que tu avais rencontrés comment, là? Ah, c'était mon père qui l'avait fait venir comme, entre autres, lecteur de pièces de théâtre. Et il est venu pour donner du théâtre aux écoles. Il était venu l'une ou l'autre fois, et puis mon père l'avait connu, et il a logé chez nous, et C'est comme ça que je m'en souviens très bien. Mais je devais avoir 33, 11 ans. Oui, mais je l'ai connu depuis l'âge de 7-8 ans à peu près. Et il venait régulièrement chez nous quand il faisait du théâtre en Suisse. Et il venait loger à la maison. Et il avait une voix extraordinaire, superbe. Superbe et... Bon, ça m'a marqué. C'est peut-être aussi une raison pour laquelle j'ai toujours bien aimé. On a bien aimé le théâtre, tous les deux. Et j'ai été marquée par ça.